monde à boire, on s'entend plus. On a vu seul mais dans le cul. Son album c'est de la merde, t'as aucun flow, t'as aucune plume. Elle est ouverte jusqu'à 5h comme mes bits qui sortent de ta clou. Tes vieux potes on s'en fout, de façon ils courent comme ça t'en brouille. Il reconnaît un vrai de vrai à la gueule c'est ennemi. La mort arrive aussi vite qu'un putain de 2,5. Hey, casse une critique, moi changerai jamais d'équipe. Arrête ton baratin, enculé, tu baisses que des petits. Elle arrive sans prévenir ni à te tirer dans les nuages. Que ça soit par ennemi, oh oui, ou par manque d'équipage. Elle arrive sans prévenir ni à te tirer dans les nuages. Que ça soit par ennemi, oh oui, ou par manque d'équipage. La mort arrive en 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. La mort arrive en 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Parler peu c'est mieux qu'on fasse les bails. Ferme ta gueule c'est mieux que tu fasses la belle. Polak ne connaîtra pas de balles. Ferme ta gueule prochain qui fait de la peine. Et je passe partout c'est moi qui ai les clés. Disserté je la quitte pose sur les quais. Hiver je fais l'oseille pour cet été. Bouti jusqu'au bout de mes doigts de pied. Oh bêta, ferme la fume ton gros pétard. Chaque fois inflige gros dégâts. Ils parlent de moi je les connais pas. Et moi je suis carré comme Lego. On a grandi au fond des caves. Ces biceps appellent ça des pros. Faudrait qu'ils arrêtent la lenda. Sans prévenir ni à te tirer dans les nuages. Que ça soit par ennemi, oh oui, ou par manque d'équipage. Elle arrive sans prévenir ni à te tirer dans les nuages. Que ça soit par ennemi, oh oui, ou par manque d'équipage. La mort arrive en deux.